Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopal Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, commencer la branche d'Abelimpe où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Maintenant que tu as la chance, ne la laisse pas passer. Tu dois la prendre par la main, jamais, jamais la laisser t'échapper. Travailler pour Dieu, tu dois travailler pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu, tu dois travailler pour Dieu. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Car tu comparaîtras seul devant l'Éternel ton Dieu. Au jour du jugement, yeah, au jugement dernier. Oh ah ah ah, ah. Oh ah ah ah. Travailler pour Dieu, travailler pour Dieu. Ne laisse pas le diable te tromper, tu dois écouter ton cœur. Travailler pour Dieu, tu dois travailler pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu, tu dois travailler pour Dieu. Que ce soit le matin ou le soir, peu importe où tu es. Tu dois le faire. Tu dois travailler pour Dieu. Ouais. Tu dois travailler pour Dieu. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Tu dois le faire. Tu dois travailler pour Dieu. Ouais. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu. Ma sœur. Tu dois travailler pour Dieu. Yeah. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu. Mon frère. Tu dois travailler pour Dieu. Ma sœur. Tu dois travailler pour Dieu. Ouais. Tu dois travailler pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir Aïssa? Alléluia. Alléluia. L'Éternel continue à faire des miracles. Amen. Ce matin, nous avons trois merveilleux témoignages. Alléluia. Pour commencer, nous allons recevoir la sœur Sarah. Quel merveilleux témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer pour recevoir la sœur? Alléluia. Ce matin, j'ai encore un merveilleux témoignage à vous rendre. Les grandes choses de l'Éternel dans ma vie. Amen. Ça concerne ma mère, en fait. En fin 2016, j'ai appris d'une manière indirecte qu'elle attendait un enfant. Et lorsque j'ai appris cette nouvelle-là, j'avais peur, en fait. J'avais peur et j'ai rien dit. La personne même qui m'avait dit ça, je l'ai même pas répondu. J'ai juste parlé au pasteur, j'ai écrit au pasteur, j'ai expliqué. Il m'a dit, tu n'es pas concerné dans cette histoire-là. Donc, ne fais pas de ça comme ton problème. Plutôt, prie à Dieu et donne-lui ce problème-là et lui-même, il pourra faire ce qu'il peut faire. Donc, le pasteur m'a conseillé comme ça, là, et il m'a dit plutôt, au lieu de se fâcher contre ma mère, mais de plutôt la féliciter et de l'encourager pour qu'elle soit forte. Et j'ai fait ce que le pasteur m'avait dit. J'ai écrit à ma mère et je lui ai félicité. Je lui ai montré que j'étais contente. Elle aussi, elle était contente. Elle a dit, j'avais peur pour rien pour te dire, mais en fait, je ne savais pas que tu allais être contente. Et après, en 2016, fin 2016, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit au pasteur de prier aussi pour ce sujet-là. J'ai commencé à prier. Pendant janvier, on avait des jeûnes à Kodesh et prières. Chaque soir, on partait à Kodesh pour prier. Et je mettais toujours ce sujet-là dans mes prières. Et pendant qu'on venait aussi les jeudis, on faisait des confessions. Et lorsque le pasteur disait, faut confesser à propos de votre famille et tout ça, là, je confessais. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur en moi. J'avais très peur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se passer. Maintenant, le 1er janvier, quand on avait réveillon, je suis rentrée à la maison et je suis tombée dans la douche et les choses qui étaient dans ma maison se sont cassées. J'ai dit, comment est-ce que le premier jour de 2017, des choses bizarres comme ça se passent? Ça veut dire qu'il y a un problème, je dois vraiment prier. Et je priais, même moi-même à la maison, je priais. Maintenant, dans ma tête, je savais que ma mère allait accoucher en mai. Mais en mars, un jour que j'étais ici à l'église, on avait fini le culte. Ma tante m'envoyait un message et elle m'a dit qu'elle avait accouché. Et puis j'ai commencé à chanter, à glorifier le nom du Seigneur. Et puis je l'ai demandé comment ça s'est passé. C'est là qu'elle m'a avoué qu'elle a dit qu'elle était vraiment en danger. On ne voulait pas te dire ce qui se passait réellement. Mais sa vie était en danger. Toutes les églises où elle est partie, on disait que soit elle devait mourir ou l'enfant devait mourir. Et même à l'hôpital, on a dit qu'elle devait forcément faire une césarienne. Donc, par la grâce de Dieu, elle a accouché normalement et rien ne s'est passé. Donc, le bébé est venu au monde en mars et on est en avril. Donc, elle a un mois et demi par la grâce de Dieu. Donc, je rends encore gloire à Dieu et je dis vraiment merci du fond de cœur au pasteur. Parce que on peut avoir des problèmes, mais on ne doit pas oublier qu'on a un père dans la maison. Et quel que soit le problème, viens l'expliquer. Le conseil qu'il va te donner va vraiment t'encourager. Et il va vraiment te montrer le chemin que tu dois suivre. Tu ne dois pas avoir peur ou honte. Mais plutôt, tu dois avoir la foi et que tu dois prier pour ta famille. On doit sincèrement prier pour nos familles. Toutes les prières qu'on fait ici, on ne doit pas les négliger. Ça se réalise vraiment dans nos vies. Peut-être si ce jour-là, je l'avais pas expliqué, j'allais peut-être me fâcher contre ma mère et elle devait être peut-être stressée et elle ne devait pas gérer la situation. Mais puisque je l'ai montré que j'étais avec elle, donc elle a pris ça, elle a fait des efforts peut-être pour me faire plaisir aussi. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fort pour l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Dans le même élan, nous allons recevoir la sœur Sandra, qui a aussi un merveilleux témoignage. Est-ce que tu peux acclamer et recevoir Sandra? Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, j'ai un témoignage. Ça concerne mes études, en gros. Il y a quelques mois, en février, j'ai commencé l'école, j'ai repris mon second semestre et il y a les problèmes au pays. On a un problème financier et ça a vraiment touché ma famille. Et papa m'avait envoyé l'argent de l'école, juste la moitié, et il manquait encore la moitié. Et je l'ai demandé d'ajouter l'argent avant le mois de mai parce qu'on devait composer en mai. Et il m'a dit qu'il pouvait pas envoyer le reste. Il va envoyer 100 000 et le reste, maman va gérer ça. Et maman aussi n'avait pas l'argent parce que depuis février, moi-même, j'ai un problème d'argent. Maman, elle m'envoie plus l'argent comme prévu. Et j'ai commencé à prier, je stressais beaucoup. Quand on est arrivé au mois de mars, j'avais beaucoup peur parce que à l'école, on nous disait que si vous ne payez pas avant le mois de mai, vous n'allez pas vous enregistrer, vous n'allez pas passer l'examen. Donc, je stressais beaucoup. Et j'ai remis ça en, une fois, je suis venue voir le pasteur. Je suis venue dire au pasteur ce que maman m'avait dit. Maman m'a dit que si papa ne paye pas l'école, c'est mieux que je rentre au pays, que j'aille continuer au pays. Et ce jour-là, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré ce matin. Le matin-là, je suis venue voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai peur. J'ai pas peur de ne pas continuer les études, mais j'ai peur de couper et de ne pas, j'ai peur de ne plus évoluer spirituellement. Parce que c'est ici, à Accra, quand je suis venue à Lighthouse, que j'ai commencé à évoluer spirituellement. Donc, j'avais beaucoup peur. Le pasteur m'a dit que la peur vient du diable, de ne pas avoir peur et de beaucoup prier. Et j'ai continué à prier, j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Et le mercredi, j'étais partie accompagner une sista au marché. Après là, quand je rentrais à la maison, je n'avais plus rien. Et il fallait que j'aille à Kodesh. Je me suis dit, ah, j'ai faim. Je veux rentrer à la maison, je n'ai pas, alors je peux pas marcher jusqu'à Kodesh, je suis vraiment fatiguée, je veux rentrer. Et par la grâce de Dieu, le bus que j'ai pris d'Accra à La Paz est passé par Kodesh parce qu'il y avait l'embouteillage, donc il a pris un raccourci. Et en arrivant à Kodesh, j'ai dit, non, je descends pas. Il y a une voix qui me dit, non, je descends pas, tu es fatigué, va à la maison, tu te laves, tu dors. Une autre voix me dit, non, va à l'église, c'est là-bas que tu vas recevoir ta bénédiction, faut partir. J'ai dit, je n'irai pas, je vais rester dans le bus. Et arrivé à Kodesh, il y a un monsieur qui a demandé au bus de s'arrêter parce que son téléphone est tombé. Et le bus s'est arrêté, ils ont fouillé le téléphone, il a retrouvé le téléphone. Je ne suis pas encore descendue du bus. C'est quand le bus veut démarrer que je dis aux gars, arrête-moi, je veux descendre. Et tous les gars du bus sont fâchés contre moi, genre, non, tu étais là, fallait descendre depuis, c'est maintenant que tu veux descendre. Je me suis excusée, je suis descendue, je suis partie à l'église. IS a prêché à la fin, elle a demandé de remettre tous nos problèmes entre les mains de Dieu et de croire que d'ici, avant la fin de semaine, un miracle va se faire dans la vie. J'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, je veux recevoir mon miracle cette semaine. Et je suis rentrée à la maison. Le jeudi matin, je suis allée à l'école. J'ai prié. J'ai dit à ma copine que vraiment, je prie que je veux témoigner cette semaine by force. Je veux avoir mon témoignage. Et papa m'a appelé le matin, juste comme ça, j'étais en plein cours. J'étais très contente. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il va m'envoyer l'argent. Il a dit d'envoyer le numéro de compte. J'ai dit, ok, j'ai envoyé le numéro de compte le soir. Vendredi matin, il m'a rappelé, il me dit, ah, moi, je t'ai envoyé le numéro de compte, tu n'as pas envoyé, pourquoi? J'ai dit, papa, c'est un problème de réseau, j'ai envoyé. Il m'a demandé de renvoyer, et puis il m'a dit, je veux t'envoyer tous les 200, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir l'argent. J'étais très content, je savais plus quoi dire à papa, j'étais dépassée. Tout le monde à côté me disait, partage, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrivais plus à parler, j'étais très contente, j'ai envoyé. Et samedi matin, il n'a pas envoyé l'argent. Dimanche, lundi, on l'avait volé le téléphone. C'est mercredi que il a donné l'argent à ma petite sœur. Ma petite sœur m'envoyait l'argent. Et maman aussi m'a appelé pour me dire qu'elle va m'envoyer l'argent. Elle m'a aussi envoyé et l'argent du mois et l'argent de l'école. J'ai pu payer l'école. C'est par là que j'ai pu payer l'école. Je me suis enregistrée et j'ai eu l'argent pour manger. C'est pour cela, je remercie vraiment le Seigneur de la vie du pasteur. Parce que par moi-même, je veux dire, un côté, j'avais perdu la foi. J'avais très peur. Je pleurais. J'avais un moment, je n'arrivais même plus à être moi-même. Mais par les conseils du pasteur et par les prières, vraiment, j'ai pu recevoir la parole qu'il fallait pour surmonter tout ça. Et je voulais juste vous encourager à vraiment venir à l'église. Surtout les mercredis à Kodesh, les mardis. Parce que je me dis que si ce jour j'étais pas là à Kodesh, peut-être que je ne devais pas recevoir ma bénédiction. Mais par là, en allant à Kodesh écouter la parole et les confessions, j'ai pu recevoir ma bénédiction. Donc je vous encourage aussi à beaucoup venir et écouter les prédications. Vraiment, les paroles que le pasteur sort, ce sont pas les paroles en vain. Ce sont les paroles vraiment spirituelles qui touchent. Vraiment, si tu es vraiment sérieux, ça va vraiment agir dans ta vie. Donc je vous encourage vraiment à venir à l'église. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Ça, c'est un merveilleux témoignage. Alléluia. On va recevoir nos derniers témoignages. Et sur ce, on va acclamer et on va recevoir le frère Eric. Est-ce qu'on peut acclamer? Okay. Bonjour, frères et sœurs. Alors, mon témoignage, c'est juste pour dire merci à Dieu parce qu'il a pourvu à mes besoins. La semaine dernière, j'étais dans la galère, je n'avais plus rien. Et je vis avec mon grand frère. Et samedi, je n'avais que 10 ghana. Et les 10 ghana, il fallait manger avec ça le dimanche. Et Mon grand frère, il n'avait rien, il n'avait pas l'argent. Donc, c'était moi seul qui avait les 10 Ghana. J'étais en train de réfléchir pour dire, Seigneur, comment je vais faire? Et je me suis dit, bon, je vais me payer quelque chose et on a mangé avec mon frère. Et le dimanche, en après-midi, on n'avait pas l'argent puisqu'on a mangé le soir, le samedi. Et on est resté comme ça. Et c'était difficile. Même avant même de venir le dimanche à l'église, je disais, Seigneur, je vais faire comment? Je n'ai pas d'argent. Et une voix m'a dit, reste à la maison, ne viens pas le dimanche à l'église. Et c'était difficile pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, je vais quand même aller à l'église. Et par la grâce de Dieu, le transport était gratuit. Et j'ai profité de cette occasion pour venir à l'église. Et pendant que le pasteur était en train de prier, il a demandé d'invoquer le sang de Jésus, d'appliquer le sang de Jésus sur tous les domaines de vos vies. Et ma mère est passée, elle rencontrait des problèmes de finances. Et c'est comme ça que j'ai prié sur les finances de ma mère. J'ai prié. Et à la fin, le pasteur a dit que quelqu'un aurait un témoignage. J'ai saisi cela. Et lundi de la semaine passée, aux alentours de 13h, mon beau-père, donc le mari de ma mère, nous a envoyé 230 000. Et je pouvais dire, Seigneur, merci, parce que si je n'étais pas venu à l'église le dimanche, peut-être je n'aurais pas reçu cette somme et je serais encore resté dans le besoin. Et ce matin, j'aimerais juste nous encourager à venir les dimanches à l'église et à croire à tous ceux qui sortent de la bouche du pasteur, parce que c'est un homme de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas par une volonté humaine que les hommes ont parlé de la parole de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et quand le pasteur parle, il faut saisir ce qu'il dit parce que ça vient de Dieu. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir et recevoir Priscille? Alléluia. Me voici devant toi, attiré par ton cœur, saisi par le torrent de ton esprit. Ton espoir est sans fin, ton amour est certain, je me plonge dans ta grâce. Pour toute ma vie, sous tes ailes, je me leverai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissé. Dans les nuits les plus sombres, mon cœur s'accroche à toi. Apaisé face à l'ampleur de ta grâce, ton amour me remplit, ton esprit me remplit, je m'imprègne de ton amour. Pour toute ma vie, sous tes ailes, je demeurerai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissé. Oh, jaillit dans mon cœur. Je suis trouvé en toi, seul, oh mon Dieu. Je m'étais éloigné, mais tu t'es rapproché. Je suis trouvé en toi, seul. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissé. Alléluia. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Et fermez les yeux. Tu veux prier ce matin que le Seigneur te bénisse. Que la parole de Dieu change ta vie. Que la parole de Dieu soit une lumière. Tu veux prier, fermer les yeux, prier. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta parole qui est toujours vivante, qui est toujours puissante, qui est toujours actuelle pour nous sauver, pour nous donner des directives, pour nous montrer la voie, Seigneur, pour nous toucher. Seigneur, merci pour cette parole et nous prions ce matin. Saint-Esprit, aide-nous à recevoir cette parole au nom de Jésus. Seigneur, merci. Aie pitié de nous et bénis-nous. Aie pitié de nous, Seigneur, et bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia, je suis content d'être là ce matin et de vous voir tous. Amen. Et je pense qu'à la fin, vous serez bénis. Alléluia. OK. Ce matin, nous allons parler de les 10 types de pères. Alléluia. 10 types de pères. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Si tu n'as pas de Bible, tu lis avec ton voisin. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 4, 15. La Bible dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Amen. Yeah. Il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Alléluia. Il y a ce petit verset, nous. Il dit qu'on a, il dit cependant, vous aurez 10 000 maîtres en Christ. Alléluia. Il nous parle de père et de maître, d'enseignants, ceux qui nous enseignent. Donc, il dit qu'on peut avoir beaucoup d'enseignants, beaucoup de maîtres. Alléluia. Ceux qui nous enseignent des principes, la parole, mais on n'a pas beaucoup de pères. Alléluia. Alors, vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Alléluia. Donc, cela veut dire qu'il y a peu de pères, mais beaucoup de maîtres. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et donc, il y a une différence entre quelqu'un qui t'enseigne et quelqu'un qui est ton père. Et puis, quelqu'un qui est comme un père pour toi. Alléluia. Et parfois, on n'arrive pas à reconnaître les pères qui sont dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir les 10 types de pères. pour que lorsque un père arrive dans ta vie, tu peux reconnaître et lui accorder l'honneur ou le respect. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et donc, par exemple, lorsque nous regardons dans la Bible, nous avons quelques pères. Si je prends l'exemple de Moïse. Alléluia. Moïse était le père de Josué. Alléluia. Mais après Josué, on n'a pas eu un successeur. Josué, c'est le successeur de Moïse. Lorsqu'on prend Élisée était le successeur d'Élie. Mais après Élie, on n'a pas eu un successeur d'Élisée. Alléluia. Donc, on peut voir qu'il y a des pères, il y a juste des enseignants. Parce qu'un père a toujours un successeur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et donc, ce matin, nous allons voir les 10 types de pères. OK. Lorsqu'on lit dans Matthieu 23, verset 9. OK. Matthieu 23, verset 9. La Bible dit, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Matthieu 23, verset 9. Jésus dit, OK, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ici, il dit n'appelez personne sur la terre comme père. Parce qu'il y a un seul père. Un seul père. On appelle quelque chose le relais des pères. Relais des pères. Alléluia. Je vais expliquer après. Mais nous allons voir premièrement parce que là, on peut voir le premier type de père que nous connaissons, le père biologique. Alléluia. Le père biologique. Nous tous avons un père biologique. C'est bon? C'est compris? C'est accepté? C'est validé. Alléluia. Dans Luc chapitre 11, verset 2 dit, quand vous priez, dites Père. Ou bien Matthieu 6, verset 9, dit notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux. Donc, cela veut dire qu'il y a un Père qui est sur la terre. Et ça, non. Père dans les cieux, donc il y a un Père sur la terre. Père biologique. Alléluia. Donc, on a Père biologique, on a Père céleste, le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est deux types de Père. Amen. Je veux dire que il faut faire attention au père, ou bien à ton père biologique. Il y a tous les pères que tu as. Possible. Père céleste. Si tu n'honores pas le Père céleste, si le Père céleste ne te donne pas la vie, tu ne seras pas ici. Si tu fais seulement, tu es fini. Tu vas disparaître comme la fumée. Dans ce Père, on doit l'honorer, on doit le respecter. C'est pourquoi lorsqu'on vient, il faut respecter Dieu. Alléluia. Il faut respecter les choses qui concernent Dieu. Il faut respecter l'Église. Alléluia. Il faut respecter les autres chrétiens. Il faut respecter les leaders. Il faut respecter les pasteurs. Alléluia. Tout ce qui concerne Dieu, il faut respecter. Sinon, tu es foutu. Et la même chose, il faut respecter ton Père biologique. Père biologique. Alléluia. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos pères, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que vous avez vu? Enfin, obéissez à vos pères selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Si tu n'as pas de raison pour laquelle tu veux honorer ton père, il y a deux raisons ici. On t'a donné. Dans verset 3. Vous avez verset 3. Si tu n'as pas de raison pour honorer ton père, le verset 3 te donne deux raisons. Parce que normalement, on voit les raisons, on doit voir les raisons dans les pères. C'est ça, non? On doit voir que, oh, le père, il est comme ça, il a pris soin de moi, et il envoie le moi, il ne m'a pas laissé, il n'a pas laissé maman, ne sois pas seul, il a giflé maman, il n'a pas payé la scolarité. Non. On ne veut pas avoir des raisons de là. Mais on va voir les raisons ici. Verset 3. Afin que toi, pas ton père, qui n'a pas payé, afin que toi, tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Les gens meurent très tôt à cause de ça. Tu meurs dans les vingtaines, dans les dizaines, dans les trentaines. À cause de ça. Vive longtemps. Oh, pourquoi me regardez? Vous ne comprenez pas le français. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui ne vivent pas longtemps à cause de cela. Verset 3. Il y a des gens qui sont maintenant, qui ne sont pas heureux à cause de ça. Afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. Wow. Donc si tu n'as pas de raison pour honorer ton père, au moins le verset 3 te donne deux raisons. Alléluia. Je ne veux pas avoir de discussion avec toi pour ce que le père a fait et ce que le père n'a pas fait. C'est bon, c'est pas bon? C'est bon. Je ne veux pas avoir de discussion. Parce que ici, la Bible n'a pas discuté. Donc, il faut regarder si le père a payé la scolarité, il a pris soin de vous, il vous a laissé ou bien il vous a construit maison, il vous a envoyé en Amérique. Non, la Bible n'a pas discuté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Le père biologique est très, très, très important pour toi. Pour ta réussite. Alléluia. Dieu a donné une puissance, un pouvoir au Père. Ton Père peut être illettré. Il a une puissance divine. Yeah. Lorsqu'il prononce quelque chose, il faut faire attention. Yeah. Certains d'entre vous disent, il y a quelque chose que papa a dit ou bien maman a dit qui te suit. Yeah. Qui te suit. Et ça fait que tu réalises que les choses ne marchent pas à cause de cette parole que papa a dit. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, la fois passée, je disais, il faut être le fils préféré, la fille préférée de ton papa. Yeah. Vous comprenez? Vous comprenez comment être préféré? Vous comprenez comment être préféré? Yeah. Que tes frères te disent que pourquoi toi tu es la fille préférée, pourquoi tu es le fils? Non, à cause de ça, le verset là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Yeah. Et le père, vous voyez, c'est comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, c'est pas tout le monde qui est père. Qu'est-ce qu'on utilise pour reconnaître quelqu'un père? Alléluia. Tu peux voir que ton papa est patient. Ta maman est patient. Ta maman, ou bien tes parents, ou bien ton père, a la responsabilité totale pour ta vie. La différence entre enseignant, juste enseigner, les 7 grands principes, et puis c'est fini. Ta vie, c'est fini. Tu connais le premier principe. Dis oui. Tu connais le deuxième principe. Tu connais le troisième principe. Tu connais le 4e principe. Tu connais le 5e principe. Tu connais le 6e principe. Tu connais le 7e principe. C'est fini. Tu as passé l'examen. Prends ton certificat. C'est fini. Mais tu vas voir que le Père, non, à part apprendre les sept grands principes, il y a d'autres choses. Il est concerné de ton école, de ta vie, de tes relations. Alléluia. Amen. Yeah. De toutes tes finances. Alléluia. De ta joie. Alléluia. Il te montre des choses que les autres ne vont pas te montrer. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc le père biologique, quelqu'un qu'on appelle père, il est vraiment père. Pas un enseignant. Alléluia. Donc à partir de là, il faut regarder les gens qui sont dans ta vie, qui sont des pères pour toi. Alléluia. Et c'est là, je reviens au Matthieu 23, verset 9. Que n'appelle personne père sur la terre, mais celui qui est le père qui est aux cieux, qui est notre père. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que chaque père est limité. Les pères terrestres sont limités. Alléluia. Tu vois que ton père n'a pas tout fait pour toi. Vrai ou faux? Ton père n'a pas tout fait pour toi. Alléluia. Donc, tu vas voir que tu quittes, le papa a fini à un niveau, il y a une autre personne qui vient, qui prend le relais à chaque moment de ta vie. Beaucoup d'entre vous avez un relais de père ici à Accra. Yeah. Vrai ou faux? Yeah. Yeah. Yeah. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui disait que sa fille lui a demandé, papa, comment est-ce que on tombe enceinte? À peu près 12 ans, après quoi, la fille a demandé à papa. Papa a dit, c'est Dieu qui fait. La fille a dit, oui, je sais que c'est Dieu qui fait, Dieu qui donne les enfants, mais comment est-ce que ça se passe pratiquement? Il a juste essayé d'embrouiller et puis changer le sujet. Et puis après, maman est venue à dire, tu dois enseigner à temps, tu dois enseigner à tes enfants sur le sexe. Les enfants ont commencé à poser des questions. Papa a dit, non, c'est toi qui es la maman qui parle avec eux. C'est toi qui dois expliquer. Il dit, non, c'est toi qui es le chef de famille de toi. Non, bah oui, je suis le chef. Il a dit, oui, je suis le chef, mais je délègue. Je te donne la responsabilité de le faire. Tu vois, le papa, les parents sont limités. Les parents sont limités. Alléluia. Là, tu vas voir qu'il y a un autre père qui va arriver. Donc, il a parlé de ces enfants qui étaient dans l'église des jeunes. Il y avait un pasteur. Et c'est le pasteur qui les a enseigné ces choses. Tu vois, lui, le papa ne pourrait pas enseigner certaines choses. Alléluia. Yeah. Est-ce que tes parents t'ont enseigné sur le sexe? Yeah. On va pas te montrer. Mais tu auras un père qui va te montrer même comment choisir à qui se marier. À qui tu ne dois pas te marier. Vrai ou faux? Yeah, ça c'est le relais. Tu vois que le papa est limité. Il a même peur de parler de certaines choses. Mais tu auras un père qui peut parler facilement. Et toi aussi tu peux parler à cette personne. Tu peux expliquer ce que tu traverses et la personne va comprendre et puis t'expliquer, te montrer quoi faire. Le relais. Donc, à chaque niveau de ta vie, à chaque moment de ta vie, tu as un père qui est là, quelqu'un qui est là, qui joue ce rôle. Lui n'a pas payé la scolarité. Il n'a pas acheté des habits. Mais il joue un rôle très important pour toi. Vrai ou faux? Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a toujours ces pères qui sont là. Parfois, les gens ne reconnaissent pas. Et tu banalises, tu ne respectes même pas ces pères que le Seigneur t'envoie. Alléluia. Yeah. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de voir les différents types de pères. Le père biologique. Alléluia. Le père céleste. Alléluia. Et le Père en Christ. Alléluia. Lorsqu'on parle de Père en Christ, par exemple, le verset qu'on a lu, Paul, c'est Paul qui parlait, qui disait quoi? Il dit, je vous ai engendré, c'est ça? Yeah. Il dit, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Alléluia. En Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Lorsque tu parles à quelqu'un de l'évangile, et la personne dit, oh non, je vais donner ma vie à Christ. Je vais sauver. Alléluia. Et tu pries avec cette père. Tu es le père en Christ. Tu as engendré, tu as mis au monde un enfant en Christ. Est-ce que vous avez compris? Yeah. Le père en Christ. C'est la personne qui te dirige, bien, la personne qui t'aide à recevoir Jésus-Christ comme sauveur. C'est le père en Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous avez compris? Yeah. Qui t'a engendré en Christ? Est-ce que tu te rappelles de cette personne? Est-ce que tu honores cette personne? Aujourd'hui, vous êtes fâché contre cette personne. Yeah. Vous ne respectez pas cette personne, mais c'est lui qui vous a engendré. Il est le Père. Wow. Est-ce que vous êtes là? Et le Père spirituel. Alléluia. Il y a une différence. Le Père spirituel. Le Père spirituel, c'est la personne qui t'enseigne tout ce qui concerne les choses spirituelles. Alléluia. La prière, il vous amène à jeûner, à prier, à aller à l'église, à apprendre certaines choses, à évangéliser. Alléluia. Cette personne est le Père spirituel. C'est différent du Père en Christ. Ça peut être la même personne, mais parfois c'est pas la même personne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et puis le Père dans le ministère. Le Père dans le ministère, c'est lui qui vous enseigne à faire le ministère. Et à faire l'œuvre. Wow. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Vous êtes là? Wow. C'est lui qui vous enseigne tout ce qui concerne le ministère. Alléluia. Les différents aspects du ministère. Et comment faire l'œuvre. Alléluia. Et puis on a le Père de substitution. Substituer. Lorsque votre père biologique n'est pas disponible. Alléluia. Peut-être c'est la mort, pas la mort, bien c'est divorcé, bien simplement abandonné. Il y a quelqu'un qui prend le relais. Et cette personne est le père de substitution. Alléluia. Amen. Amen. Et parfois les pères de substitution parfois c'est Dieu qui engendre ça. Yeah, c'est Dieu qui permet ça. Parce que parfois si ton père biologique était là, ta vie sera différente. Tu ne vas pas réussir. Donc il y a certains qui ont des pères de substitution, qui ont pris bien soin de ces personnes. Et ils ont réalisé beaucoup de choses dans cette vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah, donc parfois c'est Dieu qui engendre ça. Pour que le père biologique ne soit pas là. Que le Père des substitutions soit là pour prendre soin de toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Yeah. OK. Je pense que vous êtes bénis ce matin. Et puis le beau-père. Le beau-père. Moïse. Exode 3.1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert vers à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Yeah. Moïse prenait soin des troupeaux de son beau-père. Alléluia. Les beaux-pères peuvent être de beaucoup de bénédictions pour toi. Yeah. Beaucoup de bénédictions. L'évêque parle toujours et témoigne toujours de son beau-père. Yeah. Et son beau-père l'a montré, il a dit que son beau-père était formidable. L'a enseigné beaucoup de choses sur la richesse. Yeah. C'est lui qui l'a enseigné de ne pas emprunter de l'argent. Yeah. C'est lui qui l'a dit que tu vois, Il était jeune, il était étudiant. Il a dit, tu vois les voitures, les 9 voitures qui passent devant toi là, sont tous les quoi? Les prêts. Donc, il faut pas envier. Tu vois quelqu'un qui est en train de conduire dans une voiture neuve qui est en train de passer. C'est un prêt. Ça ne l'appartient pas. Ça appartient à la banque. Parce qu'il a pris le prêt à la banque. Alléluia. Yeah, c'est lui qui l'a enseigné pour bâtir, construire des maisons, construire des bâtiments. Yeah. Et je pense que c'est à cause de son beau-père que l'église a beaucoup de bâtiments. Yeah. Donc il parle toujours de son beau-père. Il dit que son beau-père a construit. Il construit des maisons, il a beaucoup de bâtiments. Yeah. Et il était riche. Il était riche. Et lorsque tu le vois, tu ne vas pas savoir s'il est riche. Et lorsqu'il avait 90 ans, c'est lui qui donnait toujours l'argent à l'évêque. Lorsqu'il le visite, il prend l'argent pour le transport. Il dit, il n'a jamais donné de l'argent à son beau-père. Parce qu'il est riche, Amine. Il était milliardaire. Alléluia. Tu auras un bon beau-père. Tu n'auras pas un beau-père qui va se quereller avec toi chaque jour. Alléluia. Donc, tu peux avoir un beau-père. Un bon beau-père. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Et le père de l'église, ça fait combien de pères maintenant? 7. Le père de l'église, ça fait 8, c'est ça? Le père de l'église, c'est le fondateur de l'église, simplement. Alléluia. Et ici, nous avons un fondateur. Alléluia. Amen. Lorsque je prends l'église de Méthodiste, le fondateur, c'est qui? C'est qui? John Wesley. L'église catholique, le fondateur, c'est qui? Qui est le fondateur de l'église? Pentecôte. C'est qui? On ne connaît pas. Winners Chapel, c'est qui? Perez Chapel. Ah, Winners Chapel et puis Perez Chapel. Adinassari. Yeah, donc, la personne qui a fondé, qui a commencé l'église, c'est le père de l'église. Alléluia. Amen. Amen. Et le père d'un mouvement. Alléluia. Le père d'un mouvement. OK? Dans Galates 3, verset 7, la Bible dit, reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Abraham est le père du mouvement de foi. Yeah. Mouvement de foi. Donc, pas de mouvement, pas de certaines doctrines, certaines qui sont dans la Bible. Et la personne a, par exemple, lorsqu'on parle de père de la croissance de l'Église, on peut parler de Yonggi Cho. Connaissez Yonggi Cho? La plus grande, large église du monde, Yonggi Cho, qui se trouve en Corée. Alléluia. Yonggi Cho. Amen. Ça, c'est père d'un mouvement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et puis, c'est le dernier? C'est combien? 9. Donc, 10e père, c'est le père dans le péché. Le père dans le péché. Le père dans le péché. C'est la personne qui t'a introduit. Qui t'a montré comment fumer. Yeah. Yeah. Le vendredi passé, j'ai rencontré une jeune fille de 21 ans. Et puis elle m'a décrit comment. Yeah. Elle était avec un groupe d'amis. D'accord. Et puis ils allaient en boîte de nuit. Et puis les amis l'ont introduit à fumer. Et à boire. J'ai dit, elle avait 18 ans. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Yeah. À boire et puis à fumer. J'ai dit, what? Jeune fille comme ça. Belle comme ça. Et je lui ai dit, il faut aller remercier ton frère. Parce qu'il a dit, c'est son frère qui est venu, il a pris de la boîte de nuit et l'a tapé. C'est son frère qui a fait qu'elle a arrêté. Yeah? Les amis, alléluia. Beaucoup d'entre nous connaissent les amis qui nous ont introduit à des choses. Elle dit, essaie. Elle disait que j'ai dit, donc, lorsqu'ils t'ont demandé de fumer et puis de boire, pourquoi tu n'as pas refusé? Elle a dit, non, c'est comme, lorsque je ne fais pas, c'est comme je suis différent de, Et puis elle disait que les autres filles étaient grandes. Elle avait des copines étaient grandes, âgées plus que elle. Et puis les garçons, ils vont boire et puis les filles boivent d'alcool. Et puis les garçons les utilisaient. Et puis après, ils vont prendre des photos pour montrer après. Elle dit, il faut aller remercier ton frère. Alléluia. Le père dans le péché. Et aujourd'hui, on a toujours des pères dans le péché. Ces amis qui t'amènent au bois de nuit, qui te dit allez, va les boire, qui te dit quoi là. Certains d'entre vous, c'est ton copain, mais ta copine, qui n'est pas ici. Ou bien qui est ici? Et tu continues toujours parce que c'est lui, il est le père. Il te. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris? Le père dans le péché. Il faut éviter. Il faut reconnaître. Ah, le gars là, c'est. Il veut être mon père dans le péché. Je fuis. Il faut reconnaître. Vous êtes là? La personne qui te dit ne va pas à l'église. Pourquoi tu pars trop à l'église? Va aller à boire de nuit. La fois passée, j'ai demandé. Si ton père apprenait, bien entendait que tu fais ça là, est-ce qu'il sera content? Elle dit, oh non, pas ça. Donc pourquoi tu le fais ici? Est-ce que vous voyez? Certains d'entre vous, c'est comme c'est la liberté maintenant. Et tu vois, parfois, les pères sont durs. Maman est dure. Et elle doit être dure. Ton papa doit être dur pour t'aider, pour te sauver de beaucoup de bêtises. Vrai ou c'est faux? Tu es à la maison, tu ne sors pas. Tu sors, on regarde ton habillement. Tu ne peux pas sortir avec ça. Viens changer. Rapidement. Parce que lorsqu'ils sont dupes, parfois on dit, oh non, pourquoi maman est comme ça? Pourquoi papa est comme ça? Moi, tu grandis, est-ce qu'ils t'ont aidé? Il y a ma belle-sœur qui a dit que elle a resté avec sa belle-sœur, la grand-sœur de ma femme. C'est ça, belle-mère ou bien belle-sœur? Belle-sœur. Ah. Elle a dit qu'elle a resté, elle est restée avec la femme de son papa. Et la femme de son père avait aussi une fille, dont presque même âge. Donc, la femme était très dure envers elle. Préparer, faire des trucs à la maison, préparer des nourritures, et puis elle était très dure. Et donc, c'est elle qui faisait tout. Au commencement, elle pensait que, oh non, c'est comme elle ne l'aimait pas. Et puis, l'autre fille ne faisait rien. Parfois, elle va préparer, la nourriture n'était elle va pas bien préparer. Elle va la faire manger ce qu'elle a préparé. Tu vas voir que c'est pas bon. Donc, c'est toi qui dois manger. Donc, mais avec le temps, il réalise que, elle demande à l'autre fille de préparer. Et lorsqu'elle prépare, on peut même pas goûter. Donc, la maman a réalisé que, je faisais quelque chose de mauvais à ma fille, à ma propre fille. Alors que maintenant, elle arrivait à préparer bien. L'autre fille ne connaissait rien. Ça se voit dire, elle était Dieu, mais c'est pour m'aider. Donc, elle a aidé à être une bonne fille. À se marier. Voilà. Donc, elle doit être Dieu parfois pour que vous soyez Soyez bien préparés pour le futur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Lorsque vous avez un père ou bien une mère dans vos vies, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Alléluia. Amen. Quel est le premier type de père? Deuxième? Troisième? Quatrième? Cinquième? Sixième? Septième? Huitième? Neuvième? Et le mauvais père? Alléluia! Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez le témoignage qu'elle a donné. Elle était fâchée contre sa mère. Parce que sa mère était enceinte. Est-ce que ça se concerne? Ça se concerne? Est-ce que c'est ton ventre? C'est pas ton ventre. Dans ça, ne te concerne pas. Tu vois, maintenant, tu témoignes. Tu as témoigné. Tu vois, tu te fâches et tu vois que le Seigneur bloque. Le Seigneur, le verset 3, tu ne seras pas content. Tu vois que jusqu'à aujourd'hui, la mère va se coucher, accoucher, et puis, tu vois qu'il n'y a pas de relation entre elle et puis sa femme, maman. Ou bien, elle, qui sera content, qui ne sera pas content? Celle qui ne sera pas content? Ou bien, tu ne seras pas content pour que vous viviez heureux et vous viviez longtemps. Alléluia. Amen. Soyez des enfants préférés de vos parents. Vous allez recevoir une grande bénédiction. Levez-vous. Nous voulons prier ce matin. Alléluia. Je veux que toi, c'est toi qui connais ta vie, tu connais ta relation que tu as avec les parents. Alléluia. Levez-vous très vite, on n'a pas beaucoup de temps. C'est toi qui connais ta relation que tu as avec les parents. Peut-être que tu as agi mal quelque part. Tu veux fermer les yeux et demander pardon. Alléluia. Et lorsque tu demandes pardon, le Seigneur va annuler cette malédiction qui t'attend dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Alléluia. Certaines de ces choses, les malédictions ne vont pas venir maintenant. Lorsque tu vas te marier, c'est vrai que tu vas voir que la malédiction agit. Lorsque tu as besoin d'un enfant, tu vas voir que la malédiction agit. Lorsque tu as besoin d'un boulot, tu vas voir que la malédiction agit. Que papa ou bien maman a prononcé. Donc réfléchis. Va dans ta vie et identifie les combien de fois tu as agi mal envers les parents. Et les parents n'étaient pas contents. Le fait qu'ils n'étaient pas contents, ça c'est quelque chose. C'est pas bon. Et tu veux demander pardon. Alléluia. Et aussi, essaie d'identifier tous les pères. Peut-être que c'est pas seulement les pères biologiques. C'est d'autres pères que tu as dans ta vie. Et tu n'as pas agi correctement. Et tu veux demander pardon pour que le Seigneur annule cette malédiction. Est-ce que c'est une bonne prière maintenant? Ferme les yeux et demande pardon. Demande pardon. Que le Seigneur, aie pitié de moi. Mon père biologique, peut-être mon père en Christ. Peut-être c'est le père spirituel, bien le père dans le ministère, le père beau-père. Ou bien c'est le père de substitution. Seigneur, ou bien c'est le père de l'église. Tu as agi mal. Tu as prononcé, tu as critiqué. Tu étais fâché. Tu as parlé mal. Mais peut-être que tu n'as pas parlé, mais dans ton cœur, tu détestes le père. Peut-être que c'est ton nom qui était le père biologique, bien le père de substitution. C'est ta tante, bien c'est ton frère, bien ta grand-sœur qui est ton père de substitution. Et tu agis mal. Ce matin, tu veux demander pardon. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et Seigneur, annule cette malédiction. Nous nous repentons ce matin et nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour que ta bénédiction de joie et de longue vie se réalise dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon. Et merci pour avoir annulé ces malédictions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons reconnaître et nous allons honorer les pères que tu nous donnes. Ceux qui font le relais, le relais des pères, ceux qui prennent le relais de nos pères, Seigneur. Nous allons les reconnaître et les respecter, honorer et obéir, Seigneur, pour que nous vivions longtemps et nous vivions dans la joie, Seigneur. Merci. Merci. Selon Éphésiens 6, verset 3. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Alléluia. J'annule toute malédiction. Amen. Qui t'attendait parce que tu as déshonoré ton père. Au nom de Jésus. Amen. Ta vie sera sans malédiction. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les mauvaises paroles que les parents prononçaient ce matin, c'est annulé. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci. Les parents peut-être n'ont pas fait ce qu'on voulait. Ils ont même dénoncé. Mais ce matin, Seigneur, aie pitié de nous. Nous les honorons. Nous les prenons comme pères. On va les honorer dans nos cœurs. Même si on ne les voit pas. Même s'ils ne sont pas là, Seigneur. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré pour recevoir ta joie. Et pour vivre longtemps. Parce que tu vas commencer à honorer tes parents. Et les personnes qui sont des pères pour ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de s'asseoir, je vais prier pour toi. Juste une minute. Très vite. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Comme ton sauveur. Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Et ceux qui croient en lui. Et ceux qui le confessent reçoivent le salut. Si je te pose la question, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Tous ceux qui sont morts ne sont pas. Ceux qui sont morts sont vivants. Vivent quelque part. Soit le ciel ou bien l'enfer. Et si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Si tu n'es pas sûr, cela veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut. Lorsque tu as le salut, tu sais que sur le ciel, tu la vois. Du paradis. Et ce matin, je veux prier pour toi. Tu veux demander pardon. Seigneur, je veux te servir. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois mon Père céleste. Si tu n'es pas né de nouveau, il n'est pas ton Père. Il est ton Créateur, mais il n'est pas ton Père. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Je veux prier avec toi avant de partir. Tu veux donner? Je vois la main. Merci. Merci. Merci. Merci. Toi aussi, lève la main si tu veux donner ta vie à Dieu ce matin. Lève la main. Tu sais que ta vie maintenant, la manière dont tu es maintenant, lorsque Dieu vient aujourd'hui, tu n'es pas prêt. C'est à toi que je parle. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Merci. Si tu veux donner ta vie, si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? On va prier. Ton frère, viens, on va prier. Non, viens. Viens, viens. Viens, viens, toi. Ma soeur, viens. Non, si tu veux venir, faut venir. Viens ici, viens. Non, si tu veux donner ta vie à Dieu, viens. Viens, donne ta vie à Dieu. Le Seigneur veut te sauver. Alléluia. Fermez les yeux. Ceux qui sont devant, vous allez répéter après moi cette prière. C'est une prière très très importante. Et je veux que vous fassiez cette prière, vos propres prières. Dis, Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Et je prends cette décision à cette heure-ci pour lui donner ma vie. Seigneur, je l'invite dans ma vie. Selon Romains 8, verset 9 et verset 10. Romains 10, verset 9 et 10. Seigneur, je crois dans mon cœur et je confesse que Jésus est le Sauveur et je l'accepte dans mon cœur. Seigneur, merci. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je prie ce matin que tu me donnes la grâce